Et c'est très important de comprendre ça parce que plus l'homme rentre dans son intelligence libre, plus il perd le support de son intelligence karmique. Et en perdant le support de son intelligence karmique, automatiquement, il vient en lui énormément d'énergie parce qu'il perd la peur des mots. Et en perdant la peur des mots, il perd la peur des idées. En perdant la peur des idées, il n'a plus peur de parler à l'homme. Et ayant plus peur de parler à l'homme, il se fait un grand débit de parole et d'énergie vers l'homme. Et s'il n'en arrive pas à contrôler et être capable de retenir ça, puis savoir quand arrêter cette affaire-là, et savoir comment le manifester par la parole, cette affaire-là, et savoir le manifester sans qu'il y ait d'égo, cette affaire-là, bien là, il va y avoir beaucoup de critiques, beaucoup de subjectivité, beaucoup de heurts entre les personnalités. Et s'il y a trop de heurts entre les personnalités ne pourront pas se rencontrer dans le temps, dans l'espace, sur le plan matériel, pour œuvrer ensemble et construire la nouvelle société, le micro-social. Vous constaterez un jour que quand vous serez dans l'intelligence libre, vous serez dans un état de fusion, et vous constaterez que vous serez incapable d'arrêter de parler. Puis quand tu es rendu incapable d'arrêter de parler, bien, il est temps que tu commences à savoir comment arrêter de parler. Quand tu es rendu capable d'arrêter de parler, tu es obligé de savoir quand parler puis comment parler quand tu parles. Parce que si tu sais pas comment parler quand tu parles, puis tu sais pas comment t'arrêter de parler, tu es foutu, tu vas développer de la criticomanie. Puis automatiquement, les gens sensibilisés, là, qui seront pas à l'affût de vos connaissances spirituelles, puis à l'affût de votre savoir spirituel, puis toute la patente, là, les gens qui vont voir rien qu'un bon hamburger maintenant, je te paierai mardi, à ce moment-là, les gens vont crisser leur camp, puis ils vont rencontrer des gens avec qui ils peuvent avoir du fun, puis prendre un verre, pendant que vous autres, vous êtes en train de vivre encore la période de critique. Parce que autant aujourd'hui, pendant que vous êtes dans la phase de transition entre l'intelligence karmique et l'intelligence libre, autant aujourd'hui, vous êtes à l'affût d'une sorte de compréhension, à l'affût de parler de ça, à l'affût de parler créativement, ésotériquement, à l'affût de parler psychologiquement, créativement. Autant vous êtes à l'affût de ça, autant demain vous ne serez plus intéressé et autant demain vous ne serez intéressé qu'à une chose. Créer des industries créatives sur le plan matériel pour l'exécution et l'industrialisation de l'intelligence dans les générations. Fait que rendu à ce point-là, ça serait plus parler, puis la jasette, puis la critique, puis toute la patente pour déchiffrer et comprendre ce qui se passe entre vous autres qui va vous intéresser. Ce qui va vous intéresser dans ce temps-là, ça va être de travailler industriellement dans le monde, bien, au niveau de l'intelligence libre. Fait que rappelez-vous bien ça. Mais remarquez bien que je vous comprends, c'est normal, mais je suis obligé de vous le dire pour que vous le réalisiez dans les semaines, puis les mois, puis les années qui viennent. Vous ne pouvez pas vivre. L'homme vit de ça, là, cette affaire-là, des airs, quand il est dans l'intelligence karmique. Mais quand l'homme sort de l'intelligence karmique puis qu'il rentre dans l'intelligence libre, il n'est plus intéressé à vivre des airs, parce que ce qui est des airs est descendu sur la terre. Pourquoi est-ce que vous voulez vivre de ça dans les airs? C'est parce que c'est pas descendu sans terre, votre affaire. Vous n'êtes pas dans votre intelligence libre encore. Fait que vous êtes encore à monter vers ça. Quand elle va descendre, cette affaire-là, dans vos personnes, que vous allez être créatif dans votre intelligence, vous ne serez plus intéressé à parler dans les airs. Vous allez être intéressé à parler sur le plan matériel. C'est là que vous allez organiser vos vies matériellement, financièrement, pour structurer votre économie personnelle, votre économie ésotérique, occulte, sociale, qui fait partie de la micro-société, pour vous libérer complètement des contingences et des hauts et des bas de l'économie mondiale. Alors, ça c'est un aspect de la critique. Il y a un autre aspect de la critique que je veux amener en surface. La critique, c'est très bas. Pourquoi? Parce que la critique, ça vous amène à développer de la résistance au niveau de votre ego. Tu sais, quand tu te fais mettre sur le spot par quelqu'un, ça fait un maudit travail. Fait que la critique, c'est très bon. Mais c'est bon pour celui qui reçoit. Pas pareil. C'est celui qui reçoit la critique. Lui, c'est très bon parce que ça lui permet, lui, de voir des choses qu'il ne pourra pas voir, que l'autre peut voir. Mais celui qui critique, c'est pas bon, parce que critiquer, c'est jamais bon. Même si c'est valable, c'est pas bon critiquer. Parce qu'aussitôt que tu critiques quelqu'un, tu y fais mal. Même si tu y fais du bien, tu y fais mal. Autrement dit, quand tu critiques, tu tombes sous la loi de l'intelligence karmique. C'est pour ça que c'est pas bon, la critique. Fait que c'est subtil, ma pensée. D'un côté, je vous dis, quand tu critiques quelqu'un, c'est bon parce que lui, il évolue. Puis quand toi, tu critiques lui, c'est pas bon parce que toi, tu te mets sous l'intelligence, sous la loi de l'intelligence karmique. Autrement dit, je vous dis que temporairement, pendant un certain nombre d'années, pendant que l'homme passe de l'intelligence karmique à l'intelligence libre, il ne peut pas faire autrement que critiquer. Parce que son intelligence libre entre, donc l'énergie de son intelligence libre est là, et elle se sert de la forme de l'intelligence karmique, et automatiquement, il va avoir tendance à critiquer pour corriger une situation. Et c'est impossible à l'homme de corriger une situation, parce que seul l'esprit peut corriger une situation, seule l'intelligence libre peut corriger une situation, parce que ça prend un choc pour corriger une situation. Ça prend un choc. Et c'est pas l'intelligence karmique qui peut créer un choc, c'est toujours l'intelligence libre. Alors, tant que l'intelligence libre n'est pas parfaitement développée, à ce moment-là, la critique peut exister. Et pendant qu'elle est bonne d'un bord et qu'elle n'est pas bonne de l'autre, il se fait un travail. Et pendant qu'elle n'est pas bonne de l'autre et qu'elle est bonne d'un bord, le travail qui se fait sert à l'évolution des corps subtils. Mais en tant qu'instructeur, en tant qu'instruction, en tant que personne qui voit, je suis obligé de vous dire qu'est-ce qu'il y en est et comment vous devez le voir au fur et à mesure que vous avancez et comment vous devez le réaliser. Il y a une façon de parler à l'homme et on doit toujours parler à l'homme avec le plus grand des respects et ne jamais s'impressionner de nous-mêmes quand on parle à lui parce qu'il n'y a aucun homme qui a le pouvoir d'enseigner un homme quand il rentre dans l'intelligence. Enseigner, ça fait partie de l'intelligence karmique. Moi, je suis un initié et j'enseigne pas personne. Fait que si moi, j'enseigne pas personne, je vois pas pourquoi est-ce que les hommes enseigneront aux hommes. Il y a une grande différence entre parler créativement à un homme et d'enseigner une personne. Et quand on enseigne une personne, il y a toujours de la vanité dans l'esprit. Autrement dit, il y a toujours de la vanité dans l'intelligence de l'homme. Autrement dit, il y a toujours du karma dans l'intelligence de l'homme. Et automatiquement, les forces vibratoires de l'intelligence libre vont vous le brûler, ce karma-là. Comment ça prendrait 10 ans? Ils vont vous amener contre le mur. Ceux qui vont vers la fusion, qui vont aller vers la fusion des années à venir, vont comprendre que c'est ce que je veux dire quand les forces vibratoires de l'intelligence libre vont vous amener contre le mur, parce que dans l'intelligence libre, il n'y a pas d'intelligence karmique. C'est très important pour les hommes qui se conscientisent dans le monde de réaliser que tous les hommes ont en eux un potentiel d'intelligence libre et bien que ce potentiel-là ne soit pas ajusté, que tous ces hommes-là doivent être écoutés dans leur potentiel. Et c'est à chaque homme qui se conscientise de saisir cette réalité-là. Sans ça, vient la critique. C'est pas la faute de celui qui parle mal et qui s'explique mal, c'est la faute de celui qui ne voit pas derrière le fait que celui qui s'explique mal ne peut pas bien transposer son intelligence libre. Ça va venir avec les années, ça. Moi, j'en connais des gens qui, aujourd'hui, sont dans leur intelligence libre, puis que, il y a des années, ils n'étaient pas dans leur intelligence libre, puis même aujourd'hui, ils sont capables de parler librement, mais des fois, vont mal canaliser l'intelligence libre parce qu'ils n'ont pas le vocabulaire, ils n'ont pas la forme juste, mais c'est à nous autres de voir à travers et au-delà de la forme de leur intelligence, de leur intelligence, et aller chercher le matériel qu'ils nous disent. Et ça, c'est une responsabilité personnelle de chaque homme conscient. Et les hommes conscients et le pouvoir de la conscience supramentale sur la Terre, l'exécution et l'industrialisation et la scientification de l'intelligence cosmique sur la Terre reposent sur ces fondations-là. Elles reposent sur ces fondations-là. Fait que quand je dis que critiquer, c'est une mauvaise habitude chez l'homme inconscient, puis ça devient une habitude créative chez l'homme conscient, rappelez-vous bien de ça. Et quand vous serez dans votre intelligence libre, quand l'atome du corps mental sera suffisamment développé, ça sera très facile pour vous de parler objectivement, créativement, et étudier la phénoménalisation du comportement chez l'homme, sans que lui sente que c'est de la critique. Il saura que vous lui dites quelque chose, puis vous saurez que vous apprenez quelque chose en le disant. Fait qu'à ce moment-là, la vibration sera bonne, et vous parlerez pendant des heures jusqu'à temps que la vibration casse. Et ceux qui ont tendance à critiquer, il y en a qui n'ont pas tendance à critiquer. Donc le problème est moins grave. Mais ceux qui ont tendance à critiquer, checkez-la l'affaire. Checkez-la l'affaire. Ceux qui ont tendance à critiquer, checkez-la l'affaire. Regardez-la de mon point de vue. Ensuite, vous vous demandez pourquoi est-ce que vous n'avez pas d'amitié, vous n'avez pas d'amis. Je vais vous dire une chose. Un homme conscient ne peut pas avoir d'ennemis. Un homme qui est dans son intelligence libre ne peut pas avoir d'ennemis. Fait qu'aussitôt qu'il parle à quelqu'un, il y a un chum. Aussitôt qu'il parle à quelqu'un, il y a un chum. Pourquoi? Parce qu'il ne polarise pas son mental et son émotionnel. Autrement dit, il ne crée pas de division dans son intelligence karmique. Que tu rencontres un bandit, que tu rencontres une putain, que tu rencontres un homosexuel, que tu rencontres un tueur, que tu rencontres un prêtre ou un curé, faut que tu sois capable d'y parler objectivement à cet homme-là et aller chercher en lui la partie de lui qui est intelligence libre, dont lui n'a pas conscience, dont lui peut souffrir. À ce moment-là, tu te fais aussitôt un allié parce qu'il ne peut pas se servir de son intelligence karmique contre toi. Il est obligé de se servir du petit peu d'intelligence libre qu'il a. Fait que si t'en as gros, toi, puis lui, en a un petit peu, automatiquement, il va avoir des relations entre toi et puis lui qui vont s'éterniser pendant des années de temps. Mais aussitôt que les gens rencontrent des gens, pensez-vous que je suis aveugle à vos personnalités? Moi, j'ai avoué vos personnalités. Je l'ai avoué, votre intelligence karmique. Mais je m'en sers comme dans l'an 40 de votre intelligence karmique. Ce qui m'intéresse, c'est votre intelligence libre. Quand je vous dis à moi, c'est pas vos défauts qui m'intéressent, c'est votre créativité. C'est ce qui est intelligent en vous, qui est en voie d'évolution, qui m'intéresse. C'est avec ça que je parle. Le reste, je m'en crisse comme dans l'an 40. Pensez-vous que Michel Aimé, je sais pas comment ça s'appelle, Aimé Michaud, c'était un cadeau. Quand je l'ai rencontré, je l'ai rentré dans le mur. C'était pas parlable, cette affaire-là. C'est une vraie mémère. Mais s'il aurait voulu que je me tienne à ça, puis que j'aille pas à son intelligence libre en lui, aujourd'hui, ça sera pas mon job, puis je serai pas son ami. C'est de même que ça vache la vie. Naturellement, vous êtes pas dans une situation comme la mienne, vous avez pas une vision périphérique de 360 degrés, vous avez encore une intelligence karmique, mais au moins, vous avez quelqu'un qui vous explique les lois absolues de l'intelligence libre pour que vous compreniez les principes relatifs de l'intelligence karmique, pour que vous puissiez vous faire du monde des chums. Que vous puissiez vous faire des chums, des amis, des amitiés, hommes, femmes, et ainsi de suite, pour que vous puissiez vivre socialement, puis rencontrer des gens qui ont de l'intelligence libre, puis qui veulent l'activer. Il y a chacun parmi vous autres veut faire quelque chose, cherche à faire quelque chose dans la vie qui fait partie de son intelligence libre, mais il faut que ça puisse être canalisé, il faut qu'il y ait des oreilles qui vous entendent, et ainsi de suite, pour qu'un jour, ça en arrive à être canalisé, cette information-là, pour qu'on puisse s'en servir. Sans ça, vous allez rester pendant des années dans votre trou. Moi, je veux ouvrir une compagnie d'électronique à Montréal, là, avec des gens parmi vous autres. Puis les gars que j'y connais, puis je leur ai pas dit encore, j'y connais les gars. Il y a un gars qui en pète des idées, il y en a des idées, il a la tête bourrée d'idées. Tu lui dis, fais-moi un circuit électronique, il te le fait, le circuit électronique. Il a la tête fonctionnelle. Mais ça prend lui, puis ça prend un autre, puis ça prend un autre, puis ça prend un autre, puis ça prend un autre. Seulement, c'est pas un Christ de cadeau, ce gars-là. Mais je vais vous dire une chose. Vous allez découvrir un jour que les gens qui sont pas des cadeaux seront les piliers de la sixième race. Puis ceux qui sont des cadeaux seront ceux qui vont servir dans ces rangs-là au fur et à mesure que le temps avance. Parce que, dans le phénomène de l'intelligence, pensez-vous que je suis un cadeau? Moi, je suis un cadeau parce que je suis capable de contrôler mon énergie. Je suis capable d'être un petit minou, puis je suis capable d'être un lion. Mais je contrôle mon énergie, mais les gens ne sont pas capables de contrôler leur énergie. Alors, quand l'énergie elle passe dans eux autres, automatiquement, ils ne sont pas des cadeaux. Les gens qui ne sont pas des cadeaux, c'est eux autres que je watch, parce que c'est eux autres qui sont les meilleurs canalisateurs de l'énergie. Seulement qu'avec le temps, ils vont l'ajuster, cette énergie-là. Fait quand ils vont l'avoir ajustée, ils vont servir, ces gens-là, comme piliers à l'organisation sociale et industrielle de l'intelligence de demain. Pensez-vous que ça va prendre des brebis pour rentrer dans l'industrialisation de nouveaux gadgets et de nouveaux outillages pour une civilisation quand tout est contrôlé par des monopoles internationaux? Ça va prendre des gars qui l'ont la maudite vibration et qui peuvent pas se laisser pousser dans le dos et qui peuvent pas se laisser manipuler ou se faire chanter en pas. Fait que ça prend des gars qui sont pas des cadeaux, mais qui vont être des cadeaux parce qu'ils vont pouvoir contrôler leur énergie. Tu peux pas toujours être un lion, des fois il faut que tu sois un lapin. Fait que si vous rencontrez ces gens-là, c'est évident que vous les aimerez pas. C'est normal! Parce que vous êtes encore dans votre intelligence karmique, ça. Vous allez les rencontrer, vous les aimez pas, vous allez dire, oh, mais est-ce que... Je peux vous en citer des noms. Fait que faites bien attention à la critique, parce que c'est la critique qui va vous éliminer individuellement de l'organisation créative de l'intelligence libre dans le processus d'industrialisation du pouvoir de l'intelligence sur la Terre. C'est vibratoire, ça. C'est pas une affaire que je veux pas. Ça n'a rien à faire avec moi, cette affaire-là. Vous ne serez pas capable de les stander, ces gars-là. Fait que l'affaire de la critique, voyez-la bien à travers de mes yeux, parce qu'elle est très, très importante. Et plus vous allez devenir intelligent, plus vous allez avoir tendance à critiquer, parce que plus vous allez voir, et plus tu vois, mais l'énergie passe, puis comme vous avez encore l'intelligence karmique mélangée avec l'intelligence libre, mais vous devenez comme des vrais, des... Vous vibrez, puis vous vibrez à tout, puis vous vibrez à tout, puis vous vibrez à tout. J'ai emmené des amis, là, au restaurant de Jean-Pierre, là, en bas de la ville, là, son restaurant. Il y a des homosexuels, là, parce que c'est un club homosexuel. Je te dis que ça vibre en sacrement, le monde, quand tu rentres là-dedans. Vous savez? Pas la donner d'une église. D'une église, vous ne vibrerez pas. Mais dans un club d'homosexuels, là, vous allez vibrer en enfant chien. Ils sont pas fous en haut, t'sais. Ils sont au bout. Bien plus qu'on peut s'imaginer, nous autres. Puis on va être testé comme ça pendant des années, et des années, et des années, et des années, pour pouvoir, quoi? Pour pouvoir, quand on se diffuse dans le monde, puis qu'on va dans le monde, pour pouvoir rencontrer des gens qui sont dans leur intelligence libre, qui peut-être ne comprendront pas les mécanismes comme vous, mais qui sont dans leur intelligence libre, puis il va falloir un jour, quand tu vas aller en France, tu vas rencontrer un gars d'un café qui est dans son intelligence libre, il va falloir que tu fasses un contact avec lui pour que ce gars le fitte dans un plan quelconque de toute la patente qui va venir au cours des années. Mais si t'es pogné dans ton ego, pis t'es pogné dans la critique, pis tu vois rien que la grosse gueule, pis tu sens rien que l'ego qui vibre parce que t'es pas capable de voir l'intelligence libre à travers l'intelligence karmique, tu vas manquer de faire le contact avec ce gars-là. Sauf qu'eux autres, s'ils veulent, parce qu'ils savent, eux autres, si tu t'en vas en France en 1992, eux autres, ils savent, pis s'ils veulent t'amener à le rencontrer, ce gars-là, parce que c'est le cousin de ta belle-mère qui est malade là-bas, et que t'as pas de chalet, qui vont vous faire vibrer assez qu'un jour vous allez l'avoir, la vibration, puis un jour vous allez comprendre le mécanisme de critique, puis un jour quand vous allez le rencontrer ce gars-là, vous allez être prêt pour le ramener à l'intérieur des structures d'industrialisation du 21e siècle. Ça va loin, l'affaire. Regardez l'organisation de vos vies, regardez le monde que vous avez rencontré pendant les années. Tout est issu de l'autre bord. Fait que s'ils veulent que vous rencontriez telle personne dans telle année, à telle place, comment même que ça serait d'un bordel? Si t'es pas capable d'aller d'un bordel sans vibrer, Charlie, ils vont t'amener là. Ils vont te faire séparer de ta femme, puis tu rencontres une putain, puis elle t'amène là, puis tu vas rencontrer le gars, il va dans l'autre chambre à côté. Quand vous allez me comprendre, vous allez comprendre. On n'est plus dans la spiritualisation, là, puis la théologie, puis la cosmogonie, puis les maîtres spirituels. On rentre dans l'évolution de la conscience d'une nouvelle race. Puis dans l'évolution de la conscience d'une nouvelle race, c'est l'intelligence libre qui run, et l'intelligence libre domine, et l'intelligence libre, elle est absolue. La conscience universelle de l'homme de demain, elle est absolue, cette conscience-là, parce que le pouvoir qui descend sur terre est absolu. Fait que les hommes qui servent de canal dans ce processus-là, ils vont être amenés à pouvoir fitter dans le cadre de cette réorganisation humaine éventuelle. Fait que c'est pour ça que je vous dis, apprenez donc à pas vous prendre au sérieux, apprenez donc à vivre votre vie et à rencontrer le monde, même si vous leur voyez une grosse bosse dans le front, un jour elle va diminuer, ça va devenir un bouton, puis un jour il y en aura plus. On prend un petit café. pour vous donner une idée quantitative, pour vous donner une idée quantitative de l'intelligence karmique dans l'homme, pour la mesurer, pour vous donner une chance de mesurer combien vous en avez de ça, d'intelligence karmique dans l'homme, c'est très simple. Ce qui vous donne une conscience personnelle. Tu sais, tout ce qui vous donne votre conscience personnelle, votre moi, là, votre... Ce qui vous donne conscience personnelle, c'est de l'intelligence karmique. Ça vous donne une idée, ça. Pour vous faire comprendre, là, quantitativement, qu'est-ce que c'est de l'intelligence karmique, là. C'est ce qui vous donne conscience personnelle. C'est je pense, donc je suis, là, c'est la patente. Ce qui vous donne conscience personnelle, là, ce qui vous permet de vous identifier avec Pierre, Paul, Jean, moi. Là. Ce qui vous permet de vous identifier avec moi, là, ça c'est votre intelligence karmique. Ça vous donne une idée. Comment et combien on a de ça. Et le chemin qu'on a à faire pour plus en avoir. C'est ça la fusion. C'est pour ça que c'est très important pour l'homme de comprendre que l'intelligence karmique, quelle que soit la valeur qu'on y donne, nous sépare de l'intelligence libre. Et ce qui est le plus drôle, c'est que ce qui est le plus dangereux dans l'intelligence karmique, c'est pas le mal ou l'aspect mal, maléfique de l'intelligence karmique, c'est l'aspect positif, bonne de l'intelligence karmique. C'est le bon côté de l'intelligence karmique qui est le plus difficile à dépasser chez l'homme. Pas le mauvais côté. Le mauvais côté, c'est facile. C'est le bon côté de l'intelligence karmique qui est difficile à dépasser chez l'homme. Il y a un de mes amis qui vient de me dire, j'ai été obligé d'amener mon père à l'hôpital puis de le dumper là à l'hôpital sans ça, j'aurais pas pu de rentrer à l'hôpital. L'hôpital l'aurait refusé. Les ambulances ne voulaient pas le prendre. Qu'est-ce qui s'est produit chez lui quand il a dumpé son père c'est un lit d'hôpital dans le couloir? L'activité de l'intelligence karmique. Sans drôle, sans mal à l'aise. Il n'y a pas de froideur dans l'intelligence karmique. Il y a toujours du sentiment. Tout le temps. Mais quand il l'a fait, il était content, frère. Parce que là, il prenait conscience de son intelligence libre. C'est le même, la vie, constamment. Il faut qu'on en arrive à prendre conscience de notre intelligence libre au fur et à mesure que les conditions de vie se présentent, on est obligé de vivre le conflit entre les deux. Puis il y a des gens qui sont tellement prisonniers de leur intelligence karmique qu'ils sont incapables de vivre leur vie créativement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de poser une action dont ils sont fiers. Une action, parce que la fierté dans l'action devient la mesure de notre progression vers l'intelligence libre. Quand une personne sent une progression vers son intelligence libre, vers son noyau, vers lui-même, il est content, il est fier, c'est bon. Puis éventuellement, il n'y a plus de fierté, c'est naturel. Fait que si on réalise que l'intelligence karmique, c'est nous autres. C'est nous autres l'intelligence karmique. C'est l'homme l'intelligence karmique. Ce n'est pas le surhomme l'intelligence karmique. Alors, tout ce qui est homme, c'est de l'intelligence karmique. Tout ce qui est femme, c'est de l'intelligence karmique. Tout ce qui n'est pas surhomme, autrement dit, tout ce qui n'est pas au-delà de notre intellect, de notre émotivité, c'est de l'intelligence karmique. Donc, on vit constamment notre vie avec des compromis. On fait constamment des compromis pour toutes sortes de raisons. Donc, on est lié à notre intelligence karmique. Et un volet profond de cette étude de l'intelligence karmique, c'est ceci. C'est que plus l'homme sort de l'intelligence karmique, plus il déchire le voile de cette intelligence-là, plus il s'aperçoit de deux choses. Que il est prêt, en tant qu'homme, à sauver sa vie à tout prix. Ce que je veux dire, c'est quand je dis qu'il est prêt en tant qu'homme à sauver sa vie à tout prix, je dis qu'il est prêt en tant qu'homme à s'assurer à tout prix de la survie. Ce qui veut dire qu'il est prêt en tant qu'homme à éliminer de sa vie existentielle tout ce qui peut nuire à sa survie. Maintenant, ça, ça se mesure pas. Mais ce qui se mesure, c'est que quand l'homme est prêt, en tant qu'homme, à sauver à tout prix sa vie, autrement dit, pour entrer dans la survie, il prend conscience, ça c'est totalement personnel, il prend conscience de son intelligence libre dans ce mouvement-là, et en prenant conscience de son intelligence libre, il commence à comprendre pourquoi il est sur le plan matériel. Un homme ne peut pas prendre conscience de pourquoi il est sur le plan matériel tant qu'il n'a pas pris conscience de sauver à tout prix sa vie pour la survie, parce que quand l'homme prend conscience de sa survie, il rentre dans l'intelligence libre. Quand il est dans sa vie existentielle, il est dans l'intelligence karmique. Et la division entre les deux, elle est vibratoire. Exemple. Quelqu'un peut arriver à moi et va dire... Ouais, tu parles d'immortalité, puis tu parles de passage d'un plan à un autre. Puis qui c'est qui te dit que t'as raison? Qui c'est qui te dit que t'as raison? Tout d'un coup, t'as des illusions. Peut-être des illusions, moi, je suis à Bernard-Montréal. Puis moi, je vais répondre que ce que j'ai dit, moi, à lui, c'est pour l'informer, mais pas pour prouver mon information. Moi, j'ai pas à prouver à personne ce que je dis. Parce que je suis dans mon intelligence libre. Je suis libre d'exprimer comme je le peux mon intelligence. Fait que si mon intelligence, elle s'exprime d'une certaine façon, moi, je vis avec. C'est à moi d'être capable de vivre avec. C'est à moi d'être capable de vivre avec le fait que je canalise de l'information, que mon ego est obligé de prendre de l'énergie informatique de l'esprit pour dire que c'est ça. Alors, le poids, il est avec moi. C'est moi qui le vis, le poids, de dire que je m'en vais dans telle direction. Et tout ce qui est rattaché à ce poids-là, au début, peut-être l'incertitude, la question profonde, le doute, etc. Ça fait partie de ma vie, ça, moi. Ça fait partie de l'ouverture de mon intelligence libre contre mon intelligence karmique. Fait que j'ai pas de preuve à donner à personne. Ça fait partie de mon intelligence libre. Si un jour, je le vis, moi, le gars est à côté, je dirais bye-bye. Puis si un jour, je le vis, tu vois, je suis même pas capable de dire la négativité de... Je suis capable de dire, si un jour, je le vis, puis je dis bye-bye. Mais je n'ai pas l'intelligence karmique pour dire, là, je me la donne, l'intelligence karmique, pour pouvoir le dire. Je suis obligé de prendre, de me mettre sous la loi de l'intelligence karmique pour dire, si un jour je le vis pas, là je me mets sous la loi de l'intelligence karmique. Mais si je me mets sous la loi de l'intelligence libre, je suis pas capable de dire, si un jour. Tu vois là? Parce que là, je viens de me mettre sous la loi. Autrement dit, je me mets moi-même sous la loi de l'intelligence que je veux. Puis c'est ce point-là que je veux développer. Mais subtil. Plus on se conscientise, plus on est capable de se mettre sous la loi de l'intelligence libre ou de se mettre sous la loi de l'intelligence karmique, selon ce qu'on a à dire. Fait que moi, si je parle à un philosophe ou si je parle à une personne non initiée ou si je parle à ma belle-mère, je vais dire, bon ben, Pauline, si un jour je meurs pas, ou je vais dire, si un jour je meurs, je peux dire si un jour je meurs. parce que je me mets sous la loi d'intelligence karmique pour parler à une personne qui est sous l'intelligence karmique. Autrement dit, je respecte son opinion. Je respecte la dimension de son intelligence karmique. Sans ça, on va te prendre pour un fou, Pauline. Voilà. Mais si je parle à des initiés ou si je parle avec des gens qui rentrent dans leur intelligence libre, là, je me mets sous la loi de l'intelligence libre, puis je vais dire, un jour, on fera telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Parce qu'il se produit une chose quand on parle. Que tu parles sous la loi d'intelligence karmique, tu n'es pas responsable de ce que tu dis. Quand tu parles sous la loi de l'intelligence libre, tu es responsable de ce que tu dis en vertu du fait que tu le dis. Autrement dit, tu es obligé de vivre ta vie tout là en fonction de ça. Parce que tu n'es plus capable de sortir de l'intelligence libre pour rentrer dans l'intelligence karmique à volonté. Si tu le fais, tu le fais avec la raison de l'intelligence libre qui éclaire la possibilité. C'est pas... Là, c'est parce que je vais emmener à quelque chose de subtil. Là. Comme moi, là, je vous dis, là, je me mets sur la loi de l'intelligence libre. Sur la loi de l'intelligence libre, je vous dis que moi, dans telle année, je change de plan. Ah, ben non. Ça, c'est la loi de l'intelligence. Sur la loi de l'intelligence karmique, là, je vous dis, supposons que moi, dans telle année, je change pas de plan. Qu'est-ce qui m'arrive en tant qu'être? Il m'arrivera de vivre la loi de l'intelligence karmique. Autrement dit, je serai obligé de vivre la souffrance de l'illusion. Mais il y a un autre volet à ça. C'est que j'ai pas l'inquiétude de vivre la souffrance de l'illusion parce que j'ai pas d'intelligence karmique. Donc, vibratoirement, je neutralise la forme de l'intelligence karmique que j'ai utilisée pour vous expliquer quelque chose. Autrement dit, il viendra un jour où les hommes seront capables de parler absolument est capable de parler relativement selon à qui il parle. Et donc, ils seront capables d'élever la vibration de gens avec qui ils parlent au niveau d'intelligence libre. Et ils seront capables d'ajuster la psychologie des gens avec lesquels ils parlent au niveau de l'intelligence karmique. Donc, les hommes ne créeront pas de choc dans la société. Les hommes passeront inaperçus. Et l'homme conscient, l'homme qui se conscientise, doit passer inaperçu, surtout quand il devient extrêmement vibrant dans son intelligence libre. Sinon, il se fera critiquer. Sinon, il perdra de l'énergie à s'expliquer. Sinon, il voudra se donner une position suffisamment sécure vis-à-vis l'autre qui est dans son intelligence karmique, et il souffrira de ne pas être compris. Il est là le point. L'homme libre, l'homme qui est dans son intelligence libre, n'a pas à souffrir de ne pas être compris parce qu'il n'a pas à prouver rien de ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit n'est pas sujet à la loi de la vérité ou du mensonge, puisque ça ne fait pas partie de l'intelligence karmique. C'est le fait que l'homme est dans son intelligence karmique qui est obligé de prouver s'il a raison ou s'il a tort. Mais l'homme qui est dans son intelligence libre n'a pas besoin de prouver s'il a raison ou s'il a tort. Il n'y a rien qu'à dire ce qu'il peut et assumer la responsabilité de ce qu'il dit. Fait que si ça crée des chocs vibratoires dans la société, bien, il prend le choc en retour, il est capable parce qu'il a toujours les mots. Il aura toujours la parole pour décortiquer la pensée de celui qui est dans son intelligence libre. Et ça, c'est très important pour l'homme, parce que l'homme ne doit jamais être pris dans un coin. L'homme libre dans son intelligence ne doit jamais être pris dans un coin, comme un rat. Mais pour qu'il ne soit pas pris dans un coin comme un rat, il ne faut pas qu'il soit prisonnier de son intelligence karmique, parce que s'il y a moindrement d'intelligence karmique en lui, il va venir à un point où cette intelligence karmique-là, surtout quand c'est une situation où il peut être pris dans un coin, où cette intelligence karmique-là va couper le lien avec son esprit, il va établir le lien avec son corps astral, donc ses émotions et ses pensées subjectives. Et c'est ça qui vous arrive quand il y a quelqu'un qui vous met sur le spot. Vous devez remarquer quelqu'un qui vous met sur le spot, vous ne savez pas quoi répondre. pourquoi vous savez pas quoi répondre? Pas parce que vous savez pas quoi répondre, mais parce que votre intelligence karmique a coupé votre intelligence libre. C'est pour ça que vous savez pas quoi répondre. Puis c'est pour ça que ces situations-là sont bonnes, parce que ça vous amène à souffrir dans votre intelligence libre, pour en arriver à la sentir plus, pour en arriver un jour à briser plus l'intelligence karmique qui a un pouvoir sur vous, pour en arriver un jour à être libre d'être pris dans un coin comme un rat. C'est pour ça que l'affrontement qui existe pour l'homme qui se conscientise dans ses contacts avec la société inconsciente qui est prisonnière de l'intelligence libre, de l'intelligence karmique, est très important. Il est très important parce que ça vous amène à devenir des êtres capables de manipuler parfaitement l'arme de l'esprit. Et c'est quoi l'arme de l'esprit? L'arme de l'esprit, c'est la parole juste. C'est une parole juste, c'est une parole juste. Puis la parole juste, c'est tellement juste que ça peut employer à volonté du matériel psychologique ou des formes qui conviennent à l'intelligence karmique. Exemple, tu parles à un philosophe sur une question absolue, puis tu dis au philosophe, le bien puis le mal, ça fait partie de ta conscience. Dans l'intelligence libre, le bien puis le mal, ça n'existe pas. Le philosophe étant dans son intelligence karmique est obligé soit d'accepter ce que tu dis, ou de se servir de son intelligence karmique pour faire bien de l'énergie à essayer de prouver le contraire. Puis ça change rien, parce que ton intelligence libre, toi, n'est pas polarisée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, elle n'a pas besoin d'être prouvée le contraire de ce qu'elle dit. Puisqu'elle est incapable de prouver le contraire de ce qu'elle est. Tu peux pas te prouver le contraire de ce que t'es. Comme même tu me dirais, toi, Bernard, t'as des illusions, la mortalité, patati patata. Tu sais. M'a dit, ben oui, Jean-Pierre, j'ai des illusions. Puis si tu penses que j'ai des illusions, mais tant mieux. Puis si tu penses que c'est tant mieux, mais tant pis. Tu sais. L'intelligence libre, elle va toujours créer des formes pour totalement rendre neutre le terrain d'attaque de l'intelligence karmique. Puis quand même, tu dirais à Bernard, tu parles, l'obscène des mots, tu joues avec des mots. Parce que souvent, l'intelligence karmique va dire, tu joues avec des mots. Puis je vais dire, ben oui, j'en vais, mais jouer avec des mots, ça fait partie, c'est ma prérogative. Fait que, qu'est-ce que tu veux que l'intelligence karmique elle dise à ça? Elle peut rien dire. Autrement dit, il n'y a jamais de fin dans l'intelligence libre, il y a toujours une fin dans l'intelligence karmique. Et quand l'homme rentrera dans l'intelligence libre, il découvrira qu'il n'y a plus de fin dans l'intelligence libre. Et à ce moment-là, il réalisera une chose. Que la chose la plus facile dans le monde, sur la Terre, sur le plan matériel, c'est d'être intelligent. C'est la chose la plus facile. C'est tellement facile d'être intelligent que si vous le saviez, vous en seriez débousselé. C'est tellement facile d'être intelligent que ça n'a pas de part. C'est tellement facile d'être intelligent que ça n'a pas de bon sens. Ça se mesure pas la facilité d'être intelligent tant que c'est facile d'être intelligent. C'est effrayant tant que c'est facile d'être intelligent. Mais la condition, c'est de pas avoir d'intelligence karmique. Pourquoi est-ce que je vous dis, moi, dans le séminaire, apprenez-moi un jour, arrêtez de vous questionner puis vous douter quand vous dites quelque chose. Même si c'est pas juste, attendez, ça va s'ajuster. Mais apprenez donc pas à douter ce que vous dites quand vous dites quelque chose. Pour vous habituer à votre intelligence libre, si vous doutez, vous vous questionnez tout le temps ce que vous dites, vous allez retomber dans les replis de l'intelligence karmique. C'est pour ça que vous avancez pas, vous réalisez pas votre intelligence libre, vous réalisez pas le lien entre votre ego et votre esprit. Donc, votre ego est jamais capable de prendre possession de sa lumière. Autrement dit, de son intelligence. Donc, l'homme est incapable de se mesurer à tous les hommes. Ça, c'est subtil. Tant qu'un homme n'est pas capable de se mesurer à tous les hommes, il est incapable d'être dans son intelligence libre. Un homme qui est dans son intelligence libre se mesure à tous les hommes parce que tous les hommes sont dans l'intelligence karmique. Voilà, Julie. Hein? OK. Supposons que je rencontre, moi, un cardinal. Supposons que je rencontre un grand théologien, ou que je rencontre un grand politique. Je rencontre n'importe qui. Comme je suis dans mon intelligence libre, il est obligé de m'écouter. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix de m'écouter parce que qu'ils me disent n'importe quoi, je vais toujours aller plus loin. Fait qu'automatiquement, l'intelligence libre va forcer l'intelligence karmique éventuellement à prendre son petit trou bien tranquille puis à commencer à écouter. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas plus de choix, lui, de l'écouter que moi, j'ai de parler. Parce que l'intelligence libre, ça appartient pas à l'ego. Donc, moi, je suis obligé de parler, puis lui, il est obligé de m'écouter. À moins qu'il ne veuille pas m'écouter. Mais ça, c'est son choix, je laisse. Mais s'il est là, il est obligé de m'écouter, pas de choix. Puis s'il ne veut pas m'écouter, mais je vais le faire m'écouter. Parce que je le connais, je suis dans l'intelligence libre. Fait que l'intelligence libre, je vais jouer des trucs. Je vais jouer des tours. Je vais jouer des tours. Je vais dire, t'as cassé ta lampe hier soir chez vous. Elle a tombé dans la cuisine. Hein? Ah, il était seul chez eux. Je vais dire, tu fais un accident l'après-midi à 2h30. Inquiète pas, Chris, il va revenir après 2h30. Fait que là, ça va commencer à faire craquer l'intelligence karmique. Puis il va commencer à écouter, puis éventuellement, il va rentrer dans son intelligence libre. C'est bon, ça marche. Mais, pour que l'homme puisse être dans son intelligence libre, il faut qu'il soit libre dans son intelligence. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ne soit pas prisonnier de son intelligence karmique, c'est-à-dire de cette intelligence qui fait qu'il doute de ce qu'il dit. Il ne s'agit pas pour l'homme de parler parfaitement tout de suite. Il s'agit pour l'homme de ne pas douter de ce qu'il dit. Si tu ne doutes pas de ce qu'il dit, si tu ne doutes pas de ce que tu dis, déjà tu parles parfaitement. Si tu ne doutes pas de ce que tu dis, ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment d'intelligence karmique en toi pour faire interférence avec ton intelligence libre. Mais pour ne pas douter de ce que tu dis, il faut que tu aies suffisamment d'intelligence libre pour prendre conscience que quand tu parles, il y a un combat qui se fait entre l'intelligence libre et l'intelligence karmique. Puis ça, il faut que tu sois assez fort émotivement et mentalement pour le prendre. Il y a des gens qui ne sont pas capables de parler sans avoir un point d'interrogation à se questionner sur ce qu'ils disent. Aussitôt qu'ils parlent, ils se questionnent. Ils ont peur de se tromper, ils ne sont pas sûrs, peut-être qu'ils ont fait une erreur, ils ne sont pas certains. Puis ça va vite, cette affaire-là. Puis ça, c'est le jeu de l'intelligence karmique contre l'intelligence libre. Alors, c'est comme ça qu'ils coupent leur intelligence karmique, c'est-à-dire leur intelligence libre, et qu'ils sont obligés de demeurer pendant un certain nombre d'années dans l'ordre. Puis ça va loin, l'intelligence karmique, parce que l'intelligence karmique, c'est une intelligence qui, au lieu de définir la réalité humaine, au lieu de se servir de la réalité humaine qui est son esprit, pour éclairer l'ego, pour rendre l'homme bien dans sa peau, pour donner à l'homme une vision de son avenir, autrement dit sa destinée, et aussi de le couper de l'expérience de la mort, ça le ramène constamment et constamment et constamment dans l'expression comparative de ce qu'il dit. Toi, tu le sais, ça, ce que je veux dire. Quand tu parles de ta cosmogonie durant son monde, que tu l'as bien étudié, tes aspects, puis tu l'expliques, il y a une partie en toi qui est ton intelligence libre, qui regarde la partie de l'intelligence karmique qui parle. Puis il y a toujours comme un petit jeu. Tu parles, tu présentes ton matériel, mais il y a toujours comme une petite partie de toi qui en sait plus que ce que tu dis. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Puis ça, c'est le combat. C'est le combat. Puis ça, on est même dans notre vie, dans notre quotidien. On n'est pas capable de vivre d'une façon permanente en dehors de la valeur comparative de ce qu'on dit. On a toujours un petit feedback. On dirait qu'on a toujours un spring là, qui nous ramène à notre quoi? À notre ego. Puis c'est subtil, parce que le spring nous ramène à notre ego. Pourquoi? Parce que c'est dans notre ego que se réfléchit l'intelligence karmique. Si on dépasse ça, le spring ne nous ramène plus à notre ego, il nous ramène à quoi? Il nous ramène à notre esprit. Puis quand il nous ramène à notre esprit, à ce moment-là, on est capable de mesurer parfaitement ce qu'on a dit.